Chapitre 6 Christine Ière, roi de Suède. 1 L'héritière de Gustave Adolphe. Christine naquit le 8 décembre 1626. Son père, Gustave Adolphe, fut le roi le plus glorieux qu'ait eu la Suède. Bon, brave, intelligent et dévoué à son pays. Sa mère, Marie-Éléonore de Brandebourg, était une princesse aussi distinguée par sa beauté que par son esprit et de mœurs irréprochables. En 1626, la Suède avait conquis en Europe le rang de puissance de premier ordre et l'enfant qui venait de naître était appelé à remplir un grand rôle en ce monde. Gustave Adolphe voulut que sa fille reçût une instruction et une éducation virile. Il traça lui-même le plan de son éducation qu'il confia à sa sœur, la princesse Catherine. Il voulut qu'elle se familiarisât avec toutes les sciences qui pouvaient non seulement orner son esprit, mais la fortifier, l'armer pour la grande mission qu'elle aurait à remplir. Un jour, Gustave Adolphe entrait dans la forteresse de Kalmar avec sa fille. Le commandant n'osa saluer l'arrivée du roi, ainsi que de coutume, par une salve d'artillerie. Christine n'avait que 2 ans. « Tirez !» dit Gustave. « Elle est la fille d'un soldat. Il faut qu'elle s'accoutume à ce bruit. » Peu de temps après, il partit pour l'Allemagne, après avoir, dans les termes les plus touchants, recommandé sa fille à son fidèle et sage chancelier, Oxenstierna. 3 ans plus tard, il était tué, à la bataille de Lutzen. Christine entrait dans sa 6e année. Les états du royaume s'assemblèrent, proclamèrent reine la jeune princesse et lui nommèrent pour tuteur 5 dignitaires de la couronne. La reine-mère, dont la douleur menaçait d'égarer la raison, ne voulut plus se séparer un instant de sa fille, dont les traits lui rappelaient ceux d'un mari adoré. Marie-Éléonore, qui du vivant du roi avait montré le caractère le plus égal, effrayait alors ses amis par son exaltation et ses idées excentriques. Ainsi, l'inhumation terminée, elle avait voulu revoir le roi dans son sarcophage. Elle avait fait tendre de noir tout son appartement, condamné les fenêtres, et sa chambre n'était jour et nuit éclairée que par des bougies. Ce deuil insensé se prolongea 3 ans, et pendant 3 ans, la jeune Christine dut vivre au milieu de cet appareil funèbre près de sa mère en larmes. Les tuteurs s'alarmèrent de voir se prolonger cette sorte de captivité. À son retour d'un voyage en Allemagne, le chancelier Oxenstierna la fit enlever des bras de sa mère et la remit de nouveau à sa tante, la princesse Catherine. Son éducation fut continuée selon le plan tracé par Gustave Adolphe. Douée d'une imagination vive et d'une intelligence peu commune, ses progrès furent rapides, trop rapides peut-être, et ses précepteurs, fiers de ses succès, cédaient trop à son ardeur pour l'étude. En peu d'années, elle apprit non seulement plusieurs langues modernes, mais le latin, le grec, l'histoire, la géographie, la politique. Elle dédaignait pour l'étude les amusements de son âge. Aussi se montra de bonne heure cette bizarrerie de goûts et de conduite qui devait troubler sa vie et dont elle tenait de sa mère sans doute les dispositions naturelles. Encore enfant, elle montrait pour l'ex-costume de son sexe une singulière répugnance. Elle aimait à paraître en costume militaire. Elle se plaisait à faire de longues courses à pied ou à cheval. Les fatigues et les dangers de la chasse étaient ses plaisirs favoris. « Elle ne se peigne qu'une fois par semaine », écrivait le père Mannerscheld, « et je l'ai vue avec une chemise tachée d'encre. » Oxenstierna, qu'elle regardait comme un père, avait seul assez d'influence sur elle pour lui faire observer les usages, les convenances que prescrivait l'étiquette de la cour. Mais il ne put la corriger. D'humeur inquiète, inconstante, tantôt elle se montrait d'une familiarité excessive, et tantôt affectait des manières hautaines et orgueilleuses. Néanmoins, elle étonnait ses tuteurs par la précoce maturité de sa raison. En 1642, les États assemblés l'engagèrent à prendre les rênes du gouvernement. Elle les remercia, alléguant son âge et son inexpérience. Cette reine étonnante, assez despote dans son entourage, n'aimait pas le pouvoir. Elle se fit prier pendant 2 années. La Suède, heureuse sous Gustave Adolphe, fondait sur son héritière de grandes espérances. L'Europe avait les yeux fixés sur Christine, déjà célèbre avant d'avoir commencé à régner. La France, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande recherchaient son alliance, et tous les souverains lui donnèrent les marques les plus flatteuses de leur considération. ses premiers actes furent marqués au coin d'une sage politique. Elle rendit plusieurs édits avantageux au commerce et à l'industrie, et son attitude, à la fois ferme, conciliante vis-à-vis de l'étranger, promit à la Suède les bienfaits de la paix et la consolidation des conquêtes de Gustave. Tout allait pour le mieux quand on s'avisa de lui parler mariage. Elle refusa. Elle aimait peu le pouvoir, elle avait encore moins de goût pour le mariage. En vain, on lui représenta que les institutions et le bonheur de la Suède étaient fondés sur l'hérédité du pouvoir monarchique, qu'en acceptant la couronne, elle en avait accepté tous les devoirs. Elle persista dans son refus. On lui prêta même à ce sujet une réponse étrange à ses conseillers. « Vous attendez de moi un héritier de ma couronne, et vous fondez de grandes espérances sur un petit-fils de Gustave Adolphe. C'est une illusion. Que savons-nous? Il peut naître de moi un Néron, aussi bien qu'un Auguste. » Charles Gustave, son cousin, prince d'un caractère noble et d'un esprit cultivé, lui fit demander sa main. Elle avait pour lui beaucoup d'estime et d'amitié, cependant elle refusa. Toutefois, elle engagea les États à le choisir pour son successeur. À quoi attribuer cette première bizarrerie? Déjà, sans doute, elle méditait de déposer la couronne pour mener une existence indépendante et aventureuse. Car, en définitive, elle avait plus de 20 ans. Elle était d'un tempérament nerveux et riche, et il serait incompréhensible que de notre sexe, elle n'eût encore aimé que les habits. La chronique des cours, si bavarde d'ordinaire, ne dit rien de la cour de Stockholm à cette époque. Ce n'est qu'en 1650 que cette commère commença à jaser. Cette année, après s'être fait couronner en grande pompe et sous le titre de roi, Christine parut changer d'humeur, de goûts et de méthodes dans son gouvernement. Christine, roi, se prit à aimer les fêtes, le faste, le luxe. Elle s'entoura de jeunes seigneurs amis des plaisirs et éloigna ses anciens et sages ministres pour suivre les conseils de jeunes ambitieux, parmi lesquels se distinguait le comte Magnus Gabrier de la Gardie. Ah, nous y voilà donc. Le comte de la Gardie ne savait ni le grec, ni le droit public, ni la théologie, ni la politique, ni l'art de la guerre. Mais c'était le comte le plus élégant, le mieux tourné, le plus séduisant seigneur de la Suède. Il savait plaire même à la bizarre et farouche Christine. Et dès que Christine s'humanisa et entendit les premiers battements de son cœur, la fantaisie se jeta à travers les graves combinaisons politiques, embrouilla ses écheveaux, sema partout ses fleurs et ses caprices, et jeta l'or, à pleine main, hors des cassettes publiques. Le sage Oxenstierna s'alarma et gronda son élève. « Que voulez-vous? Je ne sais pas gouverner, j'abdiquerai, » répondit-elle. Il fallut que ses véritables amis, les vieux amis de son père, la suppliassent de revenir au devoir et à la raison. Elle les écouta, mais les soins de la politique ne pouvaient assouvir son besoin d'incessante activité. S'éloignant du comte de la Gardie, elle se jeta dans l'étude des sciences. Les problèmes les plus obscurs de la philosophie et de la théologie ouvrirent leurs gouffres comme des refuges à son esprit. Souvent, elle se relevait la nuit pour travailler. Au beau Magnus, à ses compagnons frivoles, succédèrent les savants. Elle s'entretenait avec eux d'histoire, de philosophie, d'antiquité. Le trésor n'en souffrait pas, mais l'administration n'en allait pas mieux. À la fin, elle s'en dégoûta. Elle licencia ses savants, mais pour tomber, hélas, de disputes philosophiques en disputes religieuses. Un Espagnol, nommé Pimentel, lui inspira l'idée d'abjurer la religion luthérienne, la religion pour laquelle son père avait combattu et qui était celle de la nation, pour se faire catholique. On ne s'étonne pas alors de voir chez le peuple suédois un mécontentement qui d'abord ne s'était trahi que par des murmures et dont les éléments orageux se condensent et éclatent en conspiration. Il y a dans les occupations et les fantaisies de la reine un égoïsme, un sentiment de personnalité qui blesse l'opinion publique et finissent par la révolter. « Ah ça, que fait la reine? De quoi s'occupe-t-elle? De tout, excepté des affaires de l'État. » L'orgueil de Christine eut à souffrir de ses justes plaintes. Elle aimait peu le pouvoir et peut-être aussi une teinte de misanthropie, de ce dégoût des hommes qui atteint les souverains dans la mesure de leur intelligence, acheva de précipiter sa résolution. Elle réunit le Sénat à Uppsale le 11 février 1654 et lui déclara son intention d'abdiquer. Enfin, au mois de mai suivant, les États assemblés, elle déposa les insignes de la royauté pour les remettre entre les mains de son cousin, Charles-Gustave. Elle se réserva les revenus de plusieurs districts de Suède et d'Allemagne, une indépendance entière de sa personne, l'autorité suprême, absolue, sur les personnes qui composent sa suite ou sa maison. Quelques jours plus tard, dans le courant de juin, elle s'embarqua à Colmar et, sous l'escorte de 12 vaisseaux de guerre, se rendit en Allemagne. Elle traversa le Danemark. Parvenue près d'un ruisseau de la frontière suédoise et danoise, elle descendit de voiture et sauta de l'autre côté. « Enfin, dit-elle, je suis libre et hors des frontières de la Suède, où j'espère bien ne jamais rentrer. » Elle poursuivit sa route vers Bruxelles. Elle avait pris cette devise bien caractéristique. « Fata viam inveniant ». En français, « Les destins me traceront la route ». 2. Christine de Suède, peinte par elle-même. L'abdication de Christine produisit dans toutes les cours de l'Europe une grande sensation. En France, à la cour de Louis XVI, ou plutôt de la reine-mère Anne d'Autriche, où son premier amant, le comte Magnus Gabriel de Lagardie, avait envoyé quelques années auparavant comme ambassadeur extraordinaire, on n'ignorait pas la faveur dont le jeune et beau diplomate avait joui auprès de sa souveraine. Et voici ce que Madame de Motteville avait écrit dans les notes qui devaient servir plus tard à former ses mémoires si intéressants. La reine reçut alors un ambassadeur extraordinaire de la reine de Suède, qui ne venait que pour travailler à l'union des deux couronnes. Celui que cette reine envoya s'appelait le comte de Lagardie. Il était fils du connétable de Suède. Son aïeul était français, à ce qu'il disait, d'assez médiocre naissance. Il était bien fait, avec bonne mine, et ressemblait à un favori. Il parlait de la reine en termes passionnés et si respectueux qu'il était facile de lui soupçonner une tendresse plus grande que celle qu'il lui devait en qualité de sujet. Il était accordé à une cousine de cette reine qu'elle-même se proposait de lui faire épouser. Ici, nous ouvrons une parenthèse. L'amour dans son cœur naissait, vivait et mourait comme ces plantes éphémères que fait éclore, au printemps, un rayon de soleil et dont une journée à peine mesure l'existence. Mais le rayon de soleil est inconscient de ses éclosions et de ses destructions hâtives. Tandis que ce rayon de faveur royale, Christine savait habilement le transformer en une disgrâce, au moment précis choisi par elle pour de nouveaux caprices. À 20 ans, elle mariait elle-même son amant pour reprendre sa liberté, et l'intrigue finissait comme dans une comédie. À 30 ans, l'abus du plaisir, la satiété, les agitations et les événements d'une vie errante, vouée aux aventures, ont assombri son cœur et moussé chez elle toute sensibilité. Et nous aurons, pour dénouement de la folle passion que lui inspira Mona Ledeschi, la sanglante tragédie de la galerie des cerfs du palais de Fontainebleau. La parenthèse est fermée, reprenons la citation des mémoires de Madame de Motteville sur Christine de Suède et le comte de Lagardie. Quelques-uns ont voulu dire que, si elle avait suivi son inspiration, elle aurait gardé le comte de Lagardie, mais qu'elle s'était vaincue par la force de sa raison et la grandeur de son âme qui n'avait pu souffrir ce rabaissement. D'autres disent qu'elle était née libertine et qu'étant capable de se mettre au-dessus de la coutume, elle ne l'aimait guère ou ne l'aimait plus puisqu'elle le cédait à un autre. Quoi qu'il en soit, cet homme parut assez digne de sa fortune, mais plus propre à plaire qu'à gouverner. De la manière dont il parlait de la reine, sa maîtresse, elle n'avait pas besoin de ministre, car elle-même, quoique très jeune, ordonnait toutes les affaires. Outre les heures qu'elle donnait à ses études, elle en employait beaucoup, à ce qu'il disait, aux soins de l'État. Elle agissait de la tête, et il assurait que son moindre soin était l'ornement de sa personne. De la façon qu'il nous la dépeignit, elle n'avait ni le visage, ni la beauté, ni les inclinations d'une dame. Au lieu de faire mourir les hommes d'amour, elle les faisait mourir de honte et de dépit, et fut depuis cause que le grand philosophe Descartes perdit la vie de cette sorte. On lui attribuait alors toutes les vertus héroïques. On la mettait au rang des plus illustres femmes de l'Antiquité. Toutes les plumes étaient employées à la louer, et l'on disait que les hautes sciences étaient pour elle ce que l'aiguille et la quenouille sont pour notre sexe. La renommée est une grande causeuse. Elle aime surtout à passer les limites de la vérité. On savait encore, à la cour d'Anne d'Autriche, qu'après le comte Magnus Gabriel de la Gardie, Christine de Suède avait distingué parmi ses adorateurs Alder Salvius, le médecin français Bourdelot, qui l'avait initié aux doctrines de l'épicurisme. Pimentel, ambassadeur d'Espagne, un Italien matiné de Castillan, qui faisait marcher de front les intrigues de la politique, les intérêts de la religion catholique, apostolique et romaine, et les satisfactions d'un tempérament voluptueux. On avait dressé la liste de tous les souverains et de tous les princes dont Christine avait tour à tour repoussé la main pour conserver cette liberté, chère à ses bizarres caprices, qu'elle venait de reconquérir tout entière en abdiquant le pouvoir royal. Frédéric Guillaume de Brandebourg, électeur palatin, le roi Jean de Portugal, le roi d'Espagne Philippe VI, le prince Jean d'Autriche, le prince Sigismond Rucocci, Casimir V, roi de Pologne, qui avait été jésuite, puis cardinal, avant de monter sur le trône. Sans parler de son cousin, le prince Charles-Gustave, en faveur de qui elle avait abdiqué. Aussi, la malignité des courtisans et des belles dames de l'entourage d'Anne d'Autriche n'épargna pas cette jeune reine, déjà célèbre dans toute l'Europe par les excentricités de son cœur et de son esprit. Qu'un Dioclétien abdique à 90 ans, par fatigue et lassitude du pouvoir, pour se retirer à Salonne et y vivre doucement comme un simple particulier, tout le monde y accède. Mais ce ne peut être la fatigue des affaires, ni la lassitude des grandeurs, qui poussent une jeune reine à déposer sa couronne pour courir les aventures sur les grandes routes. On dit alors que Christine de Suède avait sacrifié le trône à l'envie de voyager, afin de se montrer par toute l'Europe comme un animal curieux. On dit qu'éprise d'un nouvel amour pour un séduisant inconnu, pour un homme obscur et haïssant mortellement Charles-Gustave, elle n'avait quitté la Suède que pour fuir la présence odieuse de ce prince et se donner tout entière et en toute liberté à celui qu'elle aimait en secret. On disait encore que, si la reine de Suède n'avait connu que les coutumes de son pays, elle y serait encore, mais que, pour avoir appris la langue et les manières françaises, pour s'être mise en état de réussir 8 jours en France, elle avait perdu son royaume. Enfin, ce mot de libertine que Madame de Motteville a si crûment écrit dans ses mémoires, quelques-uns n'hésitaient pas à le prononcer tout haut, et cela affirmait que Christine de Suède ne tarderait pas à scandaliser l'Europe par la liberté de ses mœurs et l'éclat de ses intrigues. Puis vinrent les poètes, ou plutôt les versificateurs de cour, qui rimèrent en son honneur des odes, des sonnets et même des pièces de vers en latin. Nous ferons grâce au lecteur du latin, mais nous lui donnerons un échantillon de la poésie du temps. L'auteur comparait Christine de Suède, quittant la capitale de son ex-royaume pour commencer à travers l'Europe une lumineuse pérégrination, au soleil qui s'élance dans les cieux, aux portes de l'Orient, pour embraser l'espace de ses feux. Les feux de Christine devaient embraser les cœurs, naturellement. Et comme le soleil, cet astre magnifique, commença de rouler dès qu'il fut lumineux, de régler les saisons, marchant par l'écliptique, d'illuminer les airs, de parcourir les cieux. Ainsi, dans le fond de son âme, d'une divine ardeur sentant naître la flamme, ce soleil des esprits, fait pour les éclairer, répandit ses rayons, commença sa carrière, remplit les cœurs de feu, les esprits de lumière, visita l'univers et s'y fit adorer. Mais descendons de ces hauteurs poétiques. Le moment est venu de faire plus intime connaissance avec la fille de Gustave Adolphe. Il faut que le lecteur connaisse bien le personnage avant de le suivre par les grandes routes dans son étrange équipage, à travers toutes les aventures galantes dont la vérité historique contient plus de surprises, de péripéties et d'intrigues romanesques que le roman lui-même ne saurait en inventer. Christine s'est peinte elle-même et nous a laissé son portrait. Qu'elle l'ait flatté en quelques endroits, cela se voit de reste. Mais certaines parties sont frappantes et d'un réalisme plein de relief. Nous dirions volontiers qu'elle nous offre une véritable photographie s'il nous était permis d'employer, en parlant du siècle de la grande peinture, le nom du plus vulgaire des procédés auxquels l'art a été réduit. Voici donc le portrait de Christine de Suède, tracé par sa propre main, avec des couleurs qui mélangent de la plus étrange façon le sacré et le profane, la philosophie et la frivolité, le monde amoureux et la sagesse des stoïciens, les chevaliers qui lorgnent leurs belles et les pères de l'Église. quand elle parle des taches d'encre qui constellent ses manches, on pense involontairement aux taches de sang laissées sur le parquet du palais de Fontainebleau par le meurtre d'un de ses favoris. Et quand elle vante sa sensibilité qui lui faisait verser des larmes sur les condamnés à mort, on est prêt de s'écrier « Et Monaldeschi !» La reine Christine est d'une taille au-dessous de la médiocre. Elle a le front large et serein, les yeux bien fendus, le regard vif et doux, le nez aquilin, la bouche assez jolie, mais le teint brun et le buste gâté par une difformité dans l'épaule. Sa toilette est des plus négligées. Un quart d'heure lui suffit ordinairement pour la faire. Un peigne et un ruban forment toute sa coiffure et relèvent au hasard des cheveux peu soignés. Elle ne s'embarrasse jamais d'aucun bijou. Une bague est le seul morceau d'or qui soit sur sa personne. Jamais un voile ou un masque ne garantissait son visage contre les injures de l'air ou les ardeurs du soleil. À cheval, elle porte un chapeau à plumes et un justaucorps par-dessus ses autres vêtements, à la manière des dames espagnoles. Tout son accoutrement ne vaut pas 5 ducats. À la cour, son costume favori est une robe grise, garnie de dorures et de rubans noirs. Ses souliers sont plats comme ceux des hommes. Comme les hommes aussi, elle porte des manches de chemise qui tombent sur des bras passablement jolis et des mains que l'on trouve assez belles. Des taches d'encre se mêlent à tout cela de distance en distance. Au reste, un seul portrait ne peut pas rendre la physionomie de Christine, car rien n'est aussi changeant que les airs de son visage. Suivant les mouvements de son esprit, ce visage d'un moment à l'autre n'est plus reconnaissable. Habituellement, elle paraît un peu pensive, mais elle passe souvent et avec rapidité à une autre expression, et on dit que son aspect conserve toujours quelque chose de serein et d'agréable. Dans la conversation, elle a quelquefois tant de familiarité que, loin de la croire reine, on ne la prendrait pas même pour une grande dame. Elle aborde la première les personnes avec lesquelles elle veut s'entretenir. Elle les prend par les mains, elle rit, elle badine avec une franchise extrême. Cependant, elle inspire tant de respect que parfois on devient en sa présence timide comme un enfant. Quand elle traite des affaires sérieuses, quand elle donne audience à des ambassadeurs, elle sait prendre un air majestueux qui imposerait à l'homme le plus hardi. Au milieu des plaisirs du monde, et ce n'est pas là qu'elle paraît sous le plus beau jour, elle est d'une distraction bizarre. Son esprit part tout d'un coup. Il voyage sans doute dans un monde surnaturel. Pendant ce temps, le corps de la reine, qui ne suit plus de loi que celle de sa commodité, s'étend sur un fauteuil, appuie une jambe sur un siège, un bras sur un autre, penche la tête sur son épaule et ne répond pas un mot à tout ce qu'on lui adresse. Pour la force et l'agilité du corps, Christine est un petit être incomparable. 10 heures de chasse passées à cheval ne lui font pas peur. Elle manie son coursier avec tant d'habileté, quoique assise de côté et n'ayant qu'un pied sur l'étrier, elle le fait aller si rapidement que personne ne peut l'imiter ni la suivre. Le froid, le vent, la pluie sont ses compagnons de voyage habituels. Quand la nuit a rendu les chemins escarpés et tortueux encore plus impraticables, quand un hiver a glacé le bord des précipices et des mers, elle aime à raser leur surface pendant 3 ou 4 heures, emportée dans les ténèbres par des rennes et des élans qui lui font faire plusieurs milles d'un seul vol. Elle dit souvent qu'elle ne connaît rien d'assez grand, d'assez nuisible, ni d'assez rude, pour pouvoir troubler la tranquillité de son esprit, et se flatte de ne pas plus craindre la mort que le sommeil. Comme elle parle de tout avec franchise, avec étourderie, son langage n'est pas toujours enfermé dans les bornes de ce que l'on appelle les convenances. Tous les termes lui conviennent, pourvu qu'ils rendent sa pensée. Toutes les démarches lui paraissent permises dès qu'elles mènent à un but utile ou agréable. Aussi, parmi les personnes sages, Christine passe pour ne l'être pas. Rien ne la gêne, elle ne s'embarrasse de rien, nulle grandeur du monde ne pourrait lui imposer ou l'empêcher de se mettre ainsi à son aise que si elle était seule dans sa chambre. Dans les cours étrangères où elle a séjourné, on était étonné qu'ayant quitté son royaume, elle sût si bien faire la reine chez les autres. L'homme du monde le plus sobre serait effrayé de vivre à la table de la reine de Suède et de manger comme elle. Elle ne touche comme elle est plus simple, ne se doute pas de ce qu'elle mange, ne boit que de l'eau et en une demi-heure expédie son dîner. Elle n'est pas plus difficile pour son coucher que pour sa table. Le premier lit lui est bon. Elle l'aborde très tard et le quitte de bien grand matin. 4 ou 5 heures de repos lui suffisent. Vous le voyez, pour elle, les douceurs de la vie physique ne sont rien. Mais son esprit, avec quelle ardeur elle le soigne, elle le nourrit. Comme elle lui fait prendre chaque matin une subsistance fortifiante dans Hérodote, Tacite, et un nectar enivrant dans Homère ou Anacréon. Christine connaît 8 langues, tant mortes que vivantes. Elle possède le latin, le grec, l'italien, le français, l'espagnol, l'allemand, le finlandais, le danois, à peu près aussi bien que sa langue maternelle. Et elle connaît un peu l'arabe et l'hébreu. Elle sait par cœur une partie des poètes anciens et modernes. Sa mémoire est si heureuse qu'on ne pourrait se faire honneur devant elle des pensées d'un auteur quelconque sans qu'elle ne s'aperçût promptement du vol. Les pères de l'Église aussi ont ouvert devant Christine le vaste champ de leur éloquence. Terrain sacré où le lys de la vallée exhalait ses parfums et que devait couronner un jour la palme des martyrs. Elle a lu 20 fois saint Cyprien, les écrits de saint Jérôme, médités dans la grotte de Bethléem, entre le calvaire et l'Hébron, et paraissant s'élever lugubres et solennelles de la tombe du Christ et de celle d'Abraham. Les confessions de saint Augustin, accusant des péchés si nobles et si tendres qu'ils seraient presque des vertus pour un autre. Les discours brillants de saint Ambroise, disciple des poètes profanes, et animant ses pieuses paroles des inspirations du génie païen et des ornements que sa mémoire emprunte aux écrivains anciens. Mais à côté de si grandes pensées, quelle folie Christine s'amuse à loger dans sa tête. Non seulement elle connaît les principales maisons de l'Europe, leurs armes et leur histoire, mais encore elle est au fait de leurs intrigues galantes. À sa cour, comme dans tout le monde amoureux de l'Europe, pas un chevalier n'a la liberté de lorgner sa dame sans que Christine ne veuille s'en mêler pour tout voir et tout raconter. Et on dirait que son oreille entend tous les propos d'amour si bas qu'ils soient murmurés. Toutes les gentillesses viennent papillonner dans son esprit au milieu des hautes questions de politique et de philosophie. Encore un mot pour achever le portrait de la reine de Suède. Quoi qu'elle ne soit pas ce que l'on appelle sensible, on ne peut lui refuser la bonté du cœur. Étant sur le trône, elle ne fut jamais obligée de condamner un criminel à mort sans qu'il ne lui en coûtât des larmes. Jamais personne ne sortit d'auprès d'elle sans avoir reçu des marques de sa protection. Elle favorisa surtout les hommes de talent dans tous les genres et les combla de bienfaits. Elle est si libérale que, si l'on peut dire, qu'en quelque chose qu'elle ne garda point de mesure, c'est à l'égard des présents qu'elle prodigue. Il est incroyable combien elle fut puissante pendant son règne, dans le sein du Sénat. Ce fut au point que les membres de ce corps illustre s'étonnaient eux-mêmes de l'ascendant qu'elle avait sur leur esprit. Quelques-uns l'attribuaient à sa qualité de femme, s'imaginant que la secrète inclination que l'on a pour ce sexe les faisait plier sous sa volonté. Mais il est plus probable que sa grande autorité tenait à sa qualité de reine et à la grande force de jugement qu'elle possédait. Il n'en est pas moins remarquable de voir une fille tourner, comme il lui plaisait, l'esprit de tant de vieux et sages conseillers. Elle aime également tous les peuples, estimant la vertu partout où elle se trouve. C'est là l'unique objet de son attention. Elle dit que le monde n'est composé que de 2 nations, celle des honnêtes gens et celle des méchants, qu'elle aime la première et déteste la seconde. Rien n'est plus présent à l'âme de Christine que l'amour incroyable d'une haute vertu, dont elle fait sa joie et ses délices, et à laquelle elle joint une passion extrême pour la gloire. Elle se plaît quelquefois à parler comme les stoïciens de cette éminence de la sagesse qui fait notre souverain bien dans cette vie. Quand elle en raisonne avec des personnes qu'elle sait dignes de la comprendre, c'est un plaisir extrême de lui voir mettre sa couronne sous ses pieds et publier que la vertu est l'unique bien auquel les hommes doivent s'attacher indispensablement sans tirer avantage de leur haute position. Ainsi, philosophant à la païenne, Christine n'est pas scrupuleuse en fait de religion et n'affecte point les démonstrations d'une dévotion minutieuse. Elle parle très légèrement de la réformation et beaucoup de gens pensent qu'elle ne croit pas en Dieu parce qu'elle ne croit pas à la vertu de Luther. 3. La conversion. Rome sacrée et profane. De Stockholm, Christine se rendit à Hambourg et de Hambourg à Bruxelles. elle y retrouva Pimentel, un des nombreux successeurs qu'elle avait déjà donnés au beau Magnus. Pimentel reprit l'œuvre qu'il avait commencée à Stockholm et finit par convertir sa royale maîtresse au catholicisme. Il la conduisit dans le giron de l'Église, non par les rudes et étroits sentiers de la foi, mais par la route large et fleurie du plaisir. Christine écrivit au pape Alexandre VII et abjura solennellement le luthéranisme. Nouvel étonnement de l'Europe. Mais cette fois, il n'y eut plus à l'endroit de l'ex-reine de Suède divergence d'opinion. Tout le monde fut d'accord pour reconnaître que ce n'était pas sur le chemin de Damas qu'elle s'était convertie, mais sur le chemin de Paphos. Elle n'y mit pas, d'ailleurs, plus de solennité qu'il n'en fallait, et à un grave pasteur protestant qui la gourmandait sur son abjuration, elle répondit, en lui tournant le dos, « Vous me demandez pourquoi je me suis convertie au catholicisme. C'est à cause de vos ennuyeuses prédications. » Et n'était-ce pas elle qui écrivait, peu de mois après, de Rome, « Ici, il y a des statues, des obélisques et des palais, mais point d'hommes. On n'y voit que des malotrus, des scélérats, des bouffons, des fous, des impertinents, des fripons, des mendiants, des vauriens. Il faut bien que l'Église soit gouvernée par Dieu, car j'ai connu 4 papes, et pas un n'avait le sens commun. » Rome, Florence, Venise, le beau ciel de l'Italie, ses nuits embaumées, ses fêtes, ses spectacles, le mouvement, l'agitation, les passions ardentes, mais sans profondeur et sans lendemain, de ces contrées aimées du soleil, voilà ce qu'elle avait toujours rêvé sous les brumes de sa terre scandinave. C'était un peu pour réaliser ce rêve qu'elle avait abdiqué le pouvoir suprême, et sa conversion au catholicisme n'avait été pour elle qu'un moyen pour se faire ouvrir cette terre promise, où toutes les ardeurs de son tempérament, tous les caprices de son imagination, tous les appétits de ses sens devaient trouver, croyait-elle, une surabondante satisfaction. Après un court séjour à Bruxelles, où elle apprit coup sur coup la mort de sa mère et de son tuteur, Oxenstiern, elle se mit en route pour l'Italie avec un nombreux cortège. La cour nomade qu'elle traînait à sa suite se composait de plus de 200 personnes, y compris 25 gardes du corps. On y remarquait Pimentel, l'ambassadeur extraordinaire d'Espagne, le comte et la comtesse de Cueva, vivants et raides échantillons du décorum castillan. Deux dames d'honneur, les comtes Bugoy, Trasario, 4 jeunes seigneurs suédois, Silver Krona, Lillier Krona, Appelgren et Appelmann, qui ne voyaient la patrie que là où était leur reine et qui pourvoyaient aux besoins de son cœur. Quant aux besoins de son âme, elle n'avait pas manqué d'y aviser. Le confessionnal était à roulette, comme l'alcôve, dans cette caravane d'une reine galante. Et Christine emmenait avec le père Guesme, son catéchiste, et 2 jésuites très forts sur la controverse, députés par la Sainte Compagnie pour soutenir au besoin, envers et contre les mécréants, les schismatiques et les ennemis de l'Église, l'authenticité de la conversion de la fille du grand Gustave Adolphe. La caravane passa par l'Allemagne pour gagner les Alpes noriques, et l'empereur délégua le comte Raymond Montecuculi, le grand homme de guerre qui avait chassé les Suédois de Bohême en 1641, pour grossir le cortège de l'ex-reine de Suède. Mais Christine n'y regardait pas de si près, et, tout au plaisir, elle ne songeait plus à la politique. Lorsque le pape Alexandre VII a pris la résolution de Christine de se rendre dans la ville éternelle, il lui écrivit « Alexandre VII, souverain pontife, très chère fille en Jésus-Christ, salut et bénédiction apostolique. Aussitôt qu'il nous a été rapporté que Votre Majesté avait embrassé à Bruxelles la religion catholique et romaine, quoiqu'en secret, et qu'elle était sortie de ses anciennes erreurs, qu'une nouvelle sagesse était créée en elle par le Saint-Esprit, je ne puis exprimer quelle a été ma joie. Il n'est aucune force d'expression qui puisse y suffire. Nous envoyons à Votre Majesté bien-aimée notre fils en Jésus-Christ, Lucas de Holstein, protonotaire apostolique, chanoine de la basilique de Saint-Pierre, bibliothécaire de notre bibliothèque du Vatican, homme rempli de la plus sainte érudition et chéri de nous pour son extrême piété. C'est à cette fin qu'il vous donne publiquement et suivant les rites de la Sainte Église catholique l'entrée en la foi. Donnée à Rome, en notre palais de Sainte Marie Majeure, et scellé du sceau de Saint-Pierre le 10 octobre 1655, et la première année de notre pontificat. Cependant, la cour nomade de Christine de Suède continuait à s'avancer vers les frontières de l'Italie. Elle passa 8 jours à Innsbruck, au milieu des fêtes, et ce fut dans la cathédrale de cette ville que Christine renouvela solennellement son abjuration de luthéranisme entre les mains du protonotaire papal Lucas Holstein. Le père Stedacher de la Compagnie de Jésus fit à cette occasion un très beau sermon en allemand sur le 11e verset du 47e psaume. « Écoute, fille, et considère. Incline ton oreille et oublie ton peuple et la maison de ton père. » C'était fort bien, mais le père jésuite n'aurait pas mal fait peut-être d'ajouter « Oublie tes amants. » Puis les fêtes recommencèrent. Illuminations, festins, ballets mythologiques, comédies italiennes, opéras et quelques mascarades. Christine nous a appris, elle-même, que toutes ces réjouissances ne coûtèrent pas moins de 15 tonnes d'or. Enfin, celle que l'on appelait déjà l'Amazone du Nord mit les pieds sur la terre italienne. Le premier accueil ne fut pas d'une politesse exagérée. Le doge de Venise refusa à la caravane de Christine l'entrée et le passage par le territoire de la République sérénissime, sous prétexte que les illustres voyageurs avaient traversé le duché de Trente où régnait une maladie contagieuse. Cependant, à la suite d'assez longues négociations, on lui permit de traverser un étroit district de la domination vénitienne et le cortège prit par le Mantouan où il se renforça de 4 nonces du pape. Pour reconnaître cette nouvelle galanterie de la cour pontificale, Christine passa par Notre-Dame de Lorette et ajouta son ex-voto à tous ceux qui ornaient la célèbre chapelle, une couronne et un sceptre enrichis de 366 diamants et de 160 perles fines. À Pesaro, le comte Maria Santinelli lui présenta un livre magnifiquement relié, où avait été imprimée une collection de sonnets italiens rimés en l'honneur de la royale voyageuse. Christine remarqua la bonne mine du comte de Maria Santinelli et elle inscrivit son nom sur ses tablettes secrètes. À 6 000 de Rome, nouvelle adjonction de 2 légats, le cardinal Giovanni Carlo, frère du grand-duc de Toscane, et le cardinal Landgrave de Hesse, lesquels, après les félicitations de la part du pape et du sacré collège, invitèrent Christine à monter dans un magnifique carrosse envoyé par sa sainteté. Le programme de l'entrée dans la ville éternelle de l'ex-reine de Suède, de sa cour, de ses favoris, avait été délibéré et minuté dans le sacré collège même. Nous transcrivons ce curieux document, épave de cette barque de Saint-Pierre, devenue un si puissant navire de guerre et brisée aujourd'hui dans le naufrage de la vieille société. Il ne faut pas oublier, en le lisant, que nous sommes dans le pays du superlatif. Pompes, cérémonies et grandeurs avec lesquelles on doit recevoir à 6 000 de Rome la reine de Suède à son arrivée en cour du pape. Notre Seigneur, conjecturant que la royale majesté de la reine de Suède s'approche chaque jour de la cour de Rome, il s'est tenu dimanche passé, en sa présence, une assemblée sur la manière dont on doit recevoir la susdite majesté lorsqu'elle sera arrivée au lieu susdit. Là se rendront, au nom de sa sainteté, à la rencontre de la dite reine, 6 cardinaux, savoir, premièrement, nos seigneurs de Médicis et de Hesse. Secondement, pour mieux honorer la susdite reine, elle sera reçue par les éminentissimes cardinaux Aldobrandino, Barberino, Colonna et Orsino, et complimentée au nom de sa sainteté, et ensuite conduite jusqu'au palais dans un carrosse à 6 chevaux, et cela de nuit et incognito. En outre, il a été convenu dans la même assemblée que, dans le même lieu, doivent aller tous les carrosses à 6 chevaux de tous les éminentissimes cardinaux du Sacré Collège pour glorifier davantage la rencontre de Sa Majesté, et tous ceux des ambassadeurs, des princes, barons, romains et prélats, pouvant s'élever au nombre de 200, ce qui, dans la campagne, doit produire un bel effet de vue, tous ces susdits carrosses étant de velours cramoisi, verts et autres couleurs, ainsi que la livrée des cochers et estafiers. Ensuite, à 3 000 de Rome, le jour où l'on saura l'arrivée précise de la susdite majesté, Monseigneur le gouverneur de Rome ira également dans un carrosse à 6 chevaux la recevoir au nom de sa sainteté et l'introduire dans notre ville. Le susdit gouverneur, en raison de la dignité dont il est revêtu, sera tenu de faire dans sa fonction une grandissime dépense. Il devra paraître en carrosse de velours rouge, fabriqué à neuf pour cet objet, de grands appareils et coûts puisqu'au dedans il devra être tout d'argent massif et incrusté d'or, et l'on peut conjecturer que le prix s'en élèvera à plus de 1000 écus. En outre, il est obligé d'avoir ce jour-là 25 estafiers et 15 pages, vêtus de pied en cap, de la plus riche livrée de velours cramoisi brodé d'or sur toutes les coutures, puisqu'en qualité de gouverneur de Rome, il devra paraître en grande pompe, accompagné dans ses fonctions de quantité de courtisans et de gentilshommes. La susdite majesté rencontrée au lieu appelé Ponte Mole, à 2000 de Rome, le peuple romain devra se ranger au-dessus du pont sous la direction d'un sénateur et de 3 conservateurs, et tous les officiers à cheval, avec des habits d'un prix infini et d'une inexplicable beauté, avec trompettes, tambours, lesquels tireront les canons transportés aux 10 lieues, en s'accordant avec toute l'artillerie du château Saint-Ange, pour saluer la dite majesté. L'ordre dans lequel doivent apparaître gouverneurs, conservateurs et peuples doit être le plus possible ravissant à voir, tous revêtus de leurs habits sénatoriaux de velours richissimes, avec barrettes plates. Ils auront de superbissimes chevaux, les plus beaux, les plus fringants de toute la ville. Chacun des fonctionnaires aura 30 estafiers et 20 pages habillés d'écarlate, avec éperons aux pieds enrichis d'or. Tous, ils seront accompagnés et suivis d'une infinité d'officiers et autres gens de livrée à cheval, lesquels doivent ce jour-là paraître en grande pompe et produire un bel effet et la plus ravissante vue. En deçà du pont, sur le chemin de Rome, devront se rencontrer, en guise de spectatrices de la reine, toutes les princesses et dames de la cour de Rome en carrosse à 6 chevaux. Leurs fastes, grandeurs et appareils, tant dans leurs toilettes que dans leurs voitures, doivent être remarquables au possible, étant tenues chacune d'elles d'avoir à son service 24 estafiers et 12 pages en livrée de velours et d'écarlate du prix de 500 à 600 écus. Toutes ces princesses et dames doivent avoir des carrosses à cet effet ornées en velours rouge ou vert à volonté et en dedans brodées d'or avec perles, attendu qu'elles doivent avoir à orgueil de faire ostentation des richesses de leur maison et se montrer en cette occasion avec grandeur et opulence. La reine complimentée, ces dames se retireront dans leur palais, laissant avec sa majesté les éminentissimes cardinaux légats, Médicis et S, lesquels, prenant la rue de la Porte Angelica, la conduiront incognito et nuitamment au palais de sa sainteté à Ponte Molo, et doivent à cet effet s'arrêter tous les carrosses des ambassadeurs, cardinaux, gouverneurs, sénateurs, princesses et toute la suite, noblesse, peuple, qui auront été au-devant d'elles, lesquels prendront par la rue del Popolo et chacun se retirera chez soi. Telle sera la première entrée. L'un des jours suivants, elle fera son entrée publique et toute la cavalcade sera différente, ainsi que l'ordre et la pompe, ce qui sera mieux réglé, discuté et minuté plus au long. Montée au Vatican par le jardin du Belvédère, Christine de Suède, qui venait d'être reçue par la Rome profane et mondaine, fut reçue par la Rome sacrée. On la conduisit à l'audience du pape, dont, après 3 génuflexions, elle baisa la mule et les mains. Alexandre VII la releva et la fit asseoir sur un siège en forme de trône. Le jeudi qui suivit son entrée secrète, à Rome, eut lieu son entrée publique. Et Christine ne manqua pas cette occasion d'étonner les dames romaines par son originalité, sans compter qu'elle attira du même coup l'attention des Monsignori, des jeunes seigneurs, des patriciens de la ville galante et dévote. Sous un soleil radieux, au milieu d'une foule d'équipages dorés, de femmes couvertes de velours, de soieries et de diamants, de cavaliers brillants et de troupes pontificales rangées en haie au bruit de l'artillerie, elle parut en amazone, coiffée d'un chapeau aux plumes ondoyantes sur un cheval blanc qu'elle montait comme un homme et qu'elle faisait caracoler comme un écuyer consommé. Le carnaval vint bientôt fournir à Christine un ample élément à son appétit désordonné des plaisirs. Elle se jeta dans le tourbillon des fêtes, traînant à sa suite une cohorte d'admirateurs et d'adorateurs. Le premier qui se déclara fut un cardinal. Il lui dépeignit sa flamme avec cette ardeur contenue et persuasive que les dames romaines savent apprécier chez les Monsignori. Mais le cardinal Colonna était d'un âge mûr. Christine, après quelques jours de coquetterie, le voyant devenir un peu trop pressant, coupa court à son entreprise, au milieu d'une scène très sentimentale, en lui riant au nez sans respect pour la barrette rouge. Le cardinal quitta tout honteux le palais de l'ex-reine. Mais Alexandre VII, instruit de ses velléités amoureuses et du double échec que venait de subir en même temps sa passion quinquagénaire et sa haute dignité, l'envoya en exil pour quelques semaines dans sa villa de Frascati, et le vindicatif Colonna jura de se venger. Profitant des licences du carnaval, il paya quelques douzaines de masques qui vinrent, sous les fenêtres du palais Farnèse qu'habitait Christine, se livrer à toutes sortes de pasquinades et cribler sa majesté suédoise de quolibets et de lazzi où n'étaient ménagés ni la femme ni la reine. Puis il fit placarder sur la statue de Pasquin une pièce de verre dont voici la traduction. « Une divinité du Nord est venue sur la terre italienne, mais son cœur n'a pas apporté les neiges et les glaçons de son dur climat. Galant, ne vous pressez pas toutefois de nourrir de trop douces espérances. » Car le palais qu'habite la divinité est gardé par des sentinelles farouches qui en défendent l'approche à tous les mortels. Ce n'était pas très fort comme poésie, mais c'était passablement méchant. Le cardinal, dans son œuvre anonyme, faisait allusion à ce comte Maria Santinelli qui avait présenté à Christine, lors de son passage à Pezzaro, un recueil de sonnets à sa louange. Nous avons dit que l'ex-reine avait été frappée de la bonne mine du comte. Dès les premiers jours de son arrivée à Rome, l'ayant rencontré dans l'une des fêtes qui lui furent données, et ayant appris que le comte s'était à peu près ruiné au jeu, elle lui fit proposer d'entrer comme majordome dans sa maison. Maria Santinelli, de son côté, connaissait l'histoire de Christine, ses caprices amoureux, ses intrigues avec la Gardie, Pimentel et quelques autres. Il accepta l'offre qu'on lui faisait, comptant bien mettre à profit les rapports fréquents qu'il aurait avec son auguste maîtresse pour lui prouver qu'il y avait chez lui mieux que l'étoffe d'un majordome. Une semaine ne s'était pas écoulée depuis son installation au palais Farnèse qu'il entrevoyait déjà la réalisation de ses doux rêves. Christine lui avait accordé toute sa confiance. Elle ne dissimulait pas le plaisir qu'elle éprouvait de ses services et le cardinal Colonna avait flairé un rival. Une main inconnue fit parvenir à Christine une copie des vers insolents placardés nuitamment sur la statue de Pasquin. Sa colère ne connut plus de bornes. Elle courut au Vatican, criant vengeance contre le vieux Colonna. Alexandre VII eut beaucoup de peine à la calmer et lui conseilla doucement d'éloigner Santinelli qui avait une forte mauvaise réputation. Ayant déjà compromis à Rome un grand nombre de dames appartenant aux meilleures familles patriciennes. Christine déclara tout net au Saint-Père qu'elle n'avait pas abdiqué une couronne et n'était pas venue en Italie pour vivre comme une petite bourgeoise. Que, s'il lui plaisait de prendre son majordome pour amant, cela ne regardait ni la cour de Rome, ni le sacré collège, ni le pape, et qu'elle allait, la nuit suivante, faire pendre à la statue de Pasquin un bel écriteau pour apprendre à toute la ville l'aventure du cardinal Colonna, ses velléités amoureuses et l'affront qu'elle lui avait fait. Ce scandale fut épargné au sacré collège. L'émotion que Christine avait ressentie de cette aventure la bouleversa tellement qu'en rentrant au palais Farnèse, elle fut prise d'un accès de fièvre. Elle se mit au lit et le mal fit des progrès si rapides que quelques jours après ses serviteurs conçurent des craintes sérieuses. Sa jeunesse et le riche tempérament qu'elle cachait sous des formes de frêle apparence triomphèrent cependant de la maladie et des médecins. Mais sa convalescence fut longue, et quand la santé lui revint enfin au printemps, elle se résolut à quitter Rome et à faire un voyage en France. Charles-Adolphe, son cousin, qu'elle avait fait roi par son abdication, avait négligé, depuis son séjour en Italie, de lui faire tenir les riches revenus qu'elle s'était réservés. Peut-être Charles-Adolphe éprouvait-il quelques scrupules de faire envoi des Rixdal luthériennes en terre papale. Elle fut obligée, pour payer ses frais de voyage, de mettre en gage ses bijoux et ses pierreries chez les Juifs du ghetto qui lui prêtèrent 10 000 ducats. Et elle fut s'embarquer à Civita Vecchia avec une suite nombreuse dont le fidèle Santinelli faisait partie. En débarquant à Marseille, elle y trouva un ambassadeur que Louis XIV, prévenu de son arrivée, avait envoyé pour la recevoir avec de grands honneurs. C'était Henri II de Lorraine, duc de Guise, grand chambellan du roi de France et qui comptait parmi les plus séduisants seigneurs de la cour. Il entreprit aussitôt de séduire Christine de Suède. Le comte Maria Santinelli fut rejeté sur le second plan. Un majordome, si noble qu'il fût, pouvait-il lutter auprès d'une reine contre un duc de Lorraine, grand chambellan de Louis XIV.